craque. Je me lève comme une épave. Jamais de ma vie, je voudrais abattre un espace. Sur le cloud, mon lion sans aucun l'espace. Et oh. Tous les jours la traque, je me lève comme une épave. Jamais de ma vie, je ventre un pote à un espace. Sur le cloud, mon lion sans aucun tout l'espace. Elle te dit qu'elle t'a mis NDM sur Insta. Moi, c'est genre des guerres, j'aime pas côtoyer. J'adine la ma bite, faut la nettoyer. À ton concert, j'suis là que pour sucre mes bébés. Fais attention à tes paroles quand j'suis les voué. À l'éther, calme de l'histoire. J'en ai les yeux des phalas, j'vois que du désespoir. Oh, oh bah, oh bigo. T'as pas raconté tes histoires du mytho. Sans l'aveugler, yeah. Tu perceras jamais le secret, yeah. De toutes les drogues j'ai le brevet. Je détruis, tu es la recette. Je fais des pas sans l'aveugler, yeah. Tu perceras jamais le secret, yeah. De toutes les drogues j'ai le brevet. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, yeah. Tu ressens l'effet, où est-ce que ça mène? Où est-ce que ça mène? Non, faut pas se perdre. Qu'est-ce que ça fait, bitch? Faut pas que ça s'éternise. Ne passe pas mes cernes, je suis pas concerné. Des fausses comme pas permis, de façon j'ai pas permis. Yeah. Jeune druide, j'ai la recette. Rien que je ride. All the night, j'ai pêche contre la maille. Yeah. Jeune druide, j'ai la recette. Rien que je ride. All the night, j'ai pêche contre la maille. Jeune druide, j'ai la recette. Passe à l'aveugler, yeah. Tu perceras jamais le secret, yeah. De toutes les drogues j'ai le brevet. J'suis dans cette trappe, j'fume de la frappe, ouais. Elle veut mon cœur, elle aura pas d'histoire, voilà. C'est tout seul qu'on arrive à nos fins, fais fumer, bref, j'y suis presque. Et c'est moi qui décide, c'est moi qui vient, qui sort, qui vient. Allez, quoi moi. Tranquille, je suis à l'aise, je suis sur le canapé, les gens la balaise, on n'est pas de Paname, Lyonzon, comme à la maison, et moi elle me descend sous la ligne, elle reprend la raison, je suis avec toi pour pédale, prends ta pape, viens pas aller par, dans l'équipe, pas de bichette, je suis faillé sous la lune, je vois tous essayer de revenir en nous, recette, toi dans toi, tu te branles, non non, tu fais jette, nous on fait, ah. Passe à l'aveugler, yeah. Tu perceras jamais le secret, yeah. De toutes les drogues j'ai le brevet.